légende. J'ai toujours voulu être une légende. Mes vieux démons font perdre la raison. J'ai bien fait de pas écouter tous ces gens. Réussir ou mourir comme une légende. Mes rêves, j'ai oublié ma boîte crânienne dégoupillée. Je viens de neuf de haut, tout y est dans mon blé, disons tout pillé. Les miens dans mes prières, frimica de la peuplerée. Dehors c'est chaud, champ routillé, je pars en guerre, pied à l'étrier. Yeah. Jamais changé avec les miens, j'ai un calibre entre les mains. Je vois mon avenir seulement de temps en temps. Depuis petit, je suis avec les mêmes, je suis comme si je partais demain. En vrai, moi je vis pour être une fucking légende. Légende, tout le monde a plein ventre, la lumière j'éteins. Avec l'âge de la mort sur un dedans. Vive pour être une légende, gros, je suis légende. J'ai toujours rêvé d'être une légende. Mes vieux démons me font perdre la raison. J'ai bien fait de pas écouter tous ces gens. Réussir ou mourir. Je ne veux pas replonger, baby. Mes vieux démons font. Je ne veux pas replonger, baby. La haine se trouve loin de moi. Je mène la vie d'une pop star. Je composais dans ma chambre bleue avec Erdi son poster. Danger vient toujours de l'extérieur. Si elle cherche l'amour, je suis dans son postérieur. Bref, train de vie de délinquant. On veut tout dès maintenant. On ne vivra pas cent ans, yeah. On paraît innocent. Sirène, ambulance, Air Max et flaque de sang. Dédé. Sourire au bout du cran. Les traits changent de clan. La balle est dans mon camp, yeah. Grandis avec le temps. On marche à l'instinct. Je suis une fucking légende. Légende. J'ai toujours rêvé d'être une légende. Mes vieux démons me font perdre la raison. J'ai bien fait de pas écouter tous ces